na lobby eh so ki ba déranger yo ça va nous côté je sais la la fierté du Congo central papa Kindwe le vieux Luton Zolantima na teria ki toutes les portes on a sécurisé les seuls besoins en bas de sangai salaka. Et c'est moi comme on a qu'à tous les jours, dans sa tranquille. Nous amène à Koufa, nous quitter. Nous quitter, va hériter ma spot, n'en va pas plus. Le président Georges Ndombassi, papa Jean Lemolédi. Pour ça, la Kelengi, ce que ça défarini. Yangona, Foyko, Kabola, Bolingona, Bossignol. Solo, Foka, Lelengi, les autres bébés, ça amour. Pour n'en pas peigner les mamans. Na benge le papa, na benga panoko, Charlie James, papa na na, sha sha, on a boli mon nom. Honorable Daniel Monateba. Na komo samba, sample nya, yon le jige a posé. Papa mba chimba chi. Kati na na likambo, avantage zala na nambu na ngayi. Na zela kase yo, sungi na ngayi. Pona komi na ye, sekirite, loko la kondoko. Na maboko abayanke assurance ko vivre zate. Ambassadeur itinérant Antoine Gonda, Issa Bateya Maranger, Maître Claude Villa, Ulrich Manono, Jean-Jacques Mutuale, Jirès Zambaye, Landry Changa. Nandimi harmonie zate, na lope na bino. Yo ho sinyan zemoni no embeli salaka. Odogo mwana Swiss. Po akweya mayana seko sana kisi. Bolingo esa kumbayaka, ato zui santi. Bitumbe kolando tuju yango, nazomona he. Nene Luboya. Kalingi na zombe pa ya salaka. Miriel Kundi Chibambi. Na bandela vina kasebo. Giselle Chila Kikumba. Petetre na kozua, waya kongi na ngai. Odeste Goma Lora Sungu. Petetre na kozua, waya kongi na ngai. Eta. Mon général Yave Filemon. Kampu. Palmi la palmerie. Sandres Ngoya. Mon colonel Mopepe. La Dilota. Giscard Kadima. Kakao yaye na fete ya shami. La chante tous. Asalama kita ya poa po manga. Bakunda do seranga poyo kanate papa ya ve. Bakalola motema francilo ya bosana ngai. Ya walobi nini pona probleme na ngai. Ya ya ya. Patience bebe la ya ya baleki. Stéphane Manzanta. Kalingi na zonge pa ya salata. Maître Jacques Mbwa. Amandela vina pa zero. Olé Bouanga, Pousse Bumba Lissoy. Blondie Omari Mina Koufana Zigida. Francis Ponani Mina Koufana Mabaya. Matou Mbouyoulou. Osinga Nanda Koye Gashke Kosara. Chipo Mouchipaye. Sissel Masia Yenga Yeko Luka Liwateo. Nashanga Sika Boli Fashanga Salaki. Va piquer bingo les conseillers financiers. Guy Noël Mouya. Yamaele. Si c'est ma sia yena yeko luka liwateo. Na chambre si kaboli pa chambre zalaki. Apati ya kenango abami misketeo. Bon la mouma koye boli metu vraie million yamate. Yangona sunga kasima Charlie Salaka. Ser pasanga makufi kasi atangisa kabato Charlie Salako bangi singai quel courage na boli monangai bon aventure Chris Ngoma ingénieur Amédée Tiala eh mama monwe nazo kufa fama oyo moto ali pelo batindeli ngai sokila legezi kisangai se pona boli mo na bundela wa kula mingi colonel Chinzen mena kole mama kolo club terrestre kwa koma kare. Général Davila, il y a maman Christine, Christian Ingani Long. Donc, il y a ta fille, moi, un jour, elle s'en sait, qu'aussi, là, y est. A quoi y a ta église, n'y a pas le bac à tes bazar, pas voisin. Bah, quoi y a ma y est, ma papa, pour moi, ma chérie. La terre, à quoi y a ma y est, mon colo, qu'on s'en est, la main, ça m'y s'en la ca. Général Ndingue, Colonel Jadija. Rosignolanda, et Jacques Gossalani. Ingénieur Papi Pelbejaz. Ya Florent Miokona. Rosignol Pachipe, Mindiake Kolukani. Colonel Chico. Rosignol Le Faya, Jessica Olafoui. Le patron Jodjondal, Abounia, très fort. Rosignol Patressi, la Kwake Gossalani. Rosignolanda, et Jacques Gossalani. Si c'est ma CIA, n'a yéko lukali wateo. Na chambre si kaboli, ma chambre salaki. Apoti ya kenango, abagi misketeo. Koko moye langa bolingo, asmutam. JP Charadi. Ndambwa bilenga bolingo, yoko miyambanae. Lila le sik. Nazana mbelia kokabola sentimenteo. Belle Hollandaise. Noël Okito, azalaka fragile, na histoire de plaisir. Na kabal chame bolingo ya sas. Le boss Arthur Kadim. Papa Lambic Lando, Etioule, Bagi Faso Bidet, Ivo Bivon, Guilhem Milambo, Trésor Lioke, Eka Normani Langolais célèbre,